chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Salut, on sait que Samuel Girard a été repêché au cours de la fin de semaine et voilà une personne qui quand même, on l'a vu sur les médias sociaux, semblait vraiment aimer son voyage à Buffalo parce qu'il y avait une trentaine de personnes du haut du lac qui étaient là-bas. Question d'en savoir davantage, on parle avec l'homme d'affaires bien connu, Jean-Pierre Saint-Ville. Bon après-midi, Jean-Pierre. Oui, bon, ça va bien, Jean-Pierre. Je me trompe pas en disant que t'as adoré ton périple, hein? Oui, écoute, c'est ça, c'était ma première expérience là, live là, dans un repêchage de la Ligue nationale de hockey. Puis moi, ben, je pense que ceux qui me connaissent là, savent que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le hockey. Fait que c'était un bon week-end. Qu'est-ce que tu as retenu de plus? Est-ce que c'est les tractations avec Samuel, les réceptions, parce qu'il y a quand même eu, semble-t-il, des réceptions, ou encore peut-être le fait de vivre avec Samuel? Cette ronde-là, parce qu'on pensait vraiment que dès vendredi qu'elle allait être repêchée, là, certains observateurs. Oui, bien effectivement, il est certain que la proximité avec Samuel, en fait un joueur qui était hautement pour la première ronde et ou la deuxième, là, le dépisteur Don Button, qui est un expert. Au niveau des repêchages. L'a même vu aussi de tôt que le 18e rang de la première ronde. Et puis le scouting de la LNH, lui, le mettait au 38e rang. Alors, il y avait beaucoup de fébrilité là, parce que Samuel était présent avec nous. Et puis, la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est clairement la ligne nationale elle-même, c'est toute la coordination de l'événement, tout est réglé au quart de tour. C'est vraiment très, très, très, une très sérieuse. OK. Est-ce que dans l'attente, parce que j'ai parlé avec Samuel, bon, lui, il m'a dit, j'étais déçu un petit peu, mais je savais dans le fond de moi que ça allait être plus la deuxième ronde. Mais est-ce que l'attente est longue? Ben non, encore une fois, là, ce repêchage-là, là, c'est extrêmement bien rodé. C'est sûr que l'attente est plus longue quand toi ou quand un groupe de gens est partie prenante là, de ce processus-là. Là. Parce qu'écoute, il y avait à peu près 14 000 personnes là, dans l'HTA. Ça veut dire que c'est pas toutes ces 14 000 personnes-là qui avaient des intérêts en guillemets. Là. Alors, il y avait beaucoup les partisans des Sabres sont très motivés, ils sont très bruyants. Mais nous, c'est sûr que on avait peut-être un peu plus de stabilité que les gens qui n'étaient pas impliqués directement. Okay. Est-ce que tu as été témoin des rencontres que Samuel a eues avec l'organisation des Prédateurs par après? Oui, ben absolument. C'est qu'on a été. On a été invité dans la section VIP du club des Prédateurs. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer David Poile. Là, Phil Housley était là. Par hasard, j'ai rencontré Phil Housley. Mais j'ai surtout parlé avec le directeur du recrutement puis des joueurs pour le club des Preds, Scott Nichols, qui a joué une dizaine d'années dans la Ligue nationale. Et oui, fait qu'on a beaucoup échangé, puis ça m'a permis de connaître là, tout le sérieux de cette organisation-là. Ils sont vraiment très, très, très professionnels. Pour Samuel, c'est peut-être une des bonnes organisations qui devait tomber, là. Tu sais, on priait parce qu'on voulait pas qu'il y aille à Montréal, pas parce qu'on n'aurait pas aimé ça, puis pas parce que les Canadiens, c'est notre équipe, c'est l'équipe de tout le monde, mais parce qu'on connaît leur passé avec le développement des jeunes, et également le fait que qu'on aurait appris à Samuel, on aurait essayé de changer un peu son style. Mais pour Samuel, c'est la meilleure affaire qui peut pas arriver. Nashville. Ben écoute, Nashville, c'était en fait, c'était en soi aussi une surprise. Ouais. Hein, je veux dire, il y a plusieurs clubs. Samuel, il y a eu des interviews avec 19 ou 20 équipes de la Ligue nationale, 20 interviews très sérieuses. Puis les prédateurs, je pense que lui, je serais mieux en mesure de vous le confirmer. Mais je veux dire, les prédateurs avaient peut-être pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas senti autant d'intérêt de leur part. Puis ce qu'on lit dans les journaux, c'est que Jean-Philippe Glaude, qui est le repêcheur québécois, en fait, eux autres, ils le voyaient très, très, très tôt en deuxième sur leur liste. Ils ont fait une transaction. Et eux autres, ils avaient le deuxième choix. Finalement, ben, un peu comme les Canadiens, ce choix-là a été écoulé là, pour fin de transaction ou l'année passée. Mais lui, déjà au 32e rang, il a mentionné que le prenait là, au 32e. Ça fait que ça a glissé jusqu'au 47e, puis ils n'en croyaient pas leurs yeux. Là. C'était inespéré. Là. Ça fait que, ils sont très, très, très, très, très contents de leur prise. Puis j'ai passé pratiquement 5 heures avec l'associé de Pat Brisson, M. André Ruel. Puis, il était très enchanté aussi là, du fait que Samuel soit repêché par... Qu'est-ce qu'il dit qu'on passe 5 heures avec l'organisation de la Ligue nationale? Ben là, lui, c'est pas une organisation de la Ligue nationale. Lui, c'est le visiteur, c'est le bras droit de... Tout le territoire québécois. Puis oui, ben écoute, quand t'aimes le hockey comme moi, là, puis lui, écoute, il est certainement extrêmement passionné s'il y a cet emploi-là. Ben, tu parles de hockey pendant 5h30 pour être plus exact, là. Ça fait que oui, il a coaché les Voltigeurs de Drummondville avec Daniel Brière à l'époque. Ça, c'est, je pense que c'est un peu ça qui a mis la table là, pour sa future carrière avec Pat Brisson. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans un tournoi contre Pat Brière, puis je connaissais beaucoup de gens. Que lui, André, avait entraîné. Et, bon, puis lui, ben écoute, après ça, il connaît tous les rouages, là, je veux dire, non seulement du repêchage, mais il connaît tous ces joueurs-là. Là. Ça fait que c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ma soirée. Parce que vous n'avez pas dû faire le touriste, parce qu'à Buffalo, il n'y a pas grand-chose à voir. J'ai déjà été une fois, moi, puis c'est pas la ville la plus excitante en ville, là. Non, ben c'est ça. Ma blonde, pour reprendre ses paroles, elle dit on est allé un petit peu au Chupacabra. On est allé faire un petit tour à l'aquarium, puis après ça, elle dit on a passé du temps à l'aréna. Fait que c'était ça. Fait qu'on était à l'aréna pour 9h30 à peu près là, dans le week-end. Puis effectivement, c'est une belle place pour ça parce qu'il n'y a absolument rien d'autre à faire. Ben Jean-Pierre, bien content que tu aies aimé ton expérience. On va certainement avoir l'occasion de se revoir puis parler de hockey et de sport en général. Ça fait plaisir. Voilà, Jean-Pierre Sylvain qui a passé la fin de semaine avec Samuel Girard.